Alors, on va se quitter. Corse ce matin a sorti un article hier sur l'affaire en disant, voilà, l'émission de France Inter donnera peut-être des développements. Bon, vous savez qu'une émission ne fait pas basculer une cause, hein, forcément, non. Mais on aura éclairé. C'est notre rôle de redonner l'information, de mettre en perspective et de vous donner la parole. Écoutez, voilà, merci Fabrice Drouel pour m'avoir invité justement pour parler de cette affaire. Merci, au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le crash de la Caravelle Ajaccio-Nice le 11 septembre 1968, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur France Inter. Rendez-vous également, et bien sûr, sur la page Facebook d'Affaires Sensibles.